Une histoire particulière. Vous connaissez tous la fameuse chanson enfantine « Il était un petit navire ». Mais connaissez-vous son histoire? À l'origine, c'était un chant de marin, un chant de gaillard, comme on disait avant. Sur un air gai, « Il était un petit navire » raconte l'histoire d'un jeune matelot qui, après un tirage à la courte paille, doit être mangé par l'équipage d'un petit navire qui n'a plus de vivres. Les matelots réfléchissent sur la sauce et la manière de le préparer. Après une prière du mousse à la Vierge Marie, sa patronne, des milliers de petits poissons sautent dans le navire, sauvant l'enfant au dernier moment. Aujourd'hui, Élise Gruau et Véronique Samuilov vous racontent l'histoire d'un des plus célèbres drames de la marine coloniale française. On regarde ça. C'est des grands registres qui sont recouverts de parchemin. Et là, vous voyez, là, ils ont fini par se faire un petit tampon. Ah. Voilà, mort sur le radeau. Et qui signale les morts et où ils sont morts. D'accord. Donc là, c'est KQC, Augustin, Pierre, Jean. Et effectivement, il y a la croix à côté de son nom. Et une mention au crayon de papier, mort sur le radeau. Et radeau, ça s'écrit RAS, oui. Plus loin, D'EAU. C'est en fait un document qui recense tous les gens à bord, avec leur grade, et surtout combien on leur doit. Parce que c'est un document comptable. Alors en effet, là on arrive aux pages avec les matelots, matelots vétérans et de première classe. Oui, ils s'en sortent encore assez bien. Et plus on va avancer, et plus on va trouver de morts. Julien Chardonneau, mort sur le radeau. Du 5 au 6 juillet, Donc il fait partie des premiers morts. La Méduse, le naufrage du siècle. Premier épisode, qui n'avait jamais navigué. Élise Gruau, Véronique Samuilov. Alors ce radeau, pour le décrire le plus simplement, c'est un caillebotis. Et à l'intérieur du radeau, c'est-à-dire la plateforme qui a accueilli les naufragés, fait 7 mètres de large simplement. Sur à peu près 20 mètres, on le voit, avec une partie à l'avant qui est légèrement surélevée. Ce qui m'a intéressé, c'est le destin des hommes et des femmes qui ont embarqué en 1816. La Méduse a embarqué environ 400 personnes. Essayer de comprendre qui ils étaient, ce qu'ils étaient devenus aussi. Par exemple, on n'en parle jamais, qui sont tous les hommes qui ont péri sur le radeau, puisqu'on sait qu'il n'y a eu que 15 survivants, ce qui veut dire qu'il y a eu pratiquement 135 morts sur le radeau. Arnaud, Rambaud, Rignac, tous les trois morts sur le radeau du 5 au 6 juillet 1816. Gendron-Joseph, mort sur le radeau dans les premiers jours aussi, du 5 au 16 juillet. Et on voit qu'il y a des croix, pratiquement un sur deux à sa croix. Oui. C'est des mousses, hein, ils ont entre 15 et 18 ans. Hein. Et là, on a les domestiques. Oui. Beauvreau, qui est mort sur le radeau, Bernard, qui est mort sur le radeau, et Digne Firmin, et entre parenthèses, il est noir. Oui. Et il est mort aussi sur le radeau. Denis Roland, vous êtes attaché de conservation au patrimoine et vous avez travaillé longtemps au musée de la marine de Rochefort. À ce titre, vous avez participé à toute l'enquête qui a été menée avec Philippe Mathieu autour de la Méduse, l'histoire de son naufrage. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Méduse? Derrière le tableau de Géricault, il y a une histoire vraie. C'est déjà souvent une surprise pour la plupart de nos contemporains. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à un moment d'histoire très particulier, qu'on n'enseigne plus beaucoup à l'école, et qui est la Restauration. La deuxième Restauration, en fait, le traité de Vienne redonne à la France un certain nombre de comptoirs coloniaux. Il faut comprendre qu'on sort de 25 années de guerre extrêmement éprouvante. La marine, pendant ces 25 ans, a vu plus de 270 vaisseaux et frégates, donc des très gros bâtiments de guerre, hein, pris par les Anglais. La seule chose qui peut redonner un peu de lustre à la marine, c'est d'aller reprendre possession de ces comptoirs coloniaux. Et donc il y a une série d'expéditions qui sont menées vers la Martinique, vers la Guadeloupe, vers Saint-Pierre-et-Miquelon et vers Saint-Louis du Sénégal. Et donc la Méduse, elle prend place dans une expédition parmi d'autres. Et la colonie du Sénégal est importante pour la France parce que c'est du bois, c'est de l'expansion. Et donc on monte une expédition. Philippe Mathieu. On monte cette expédition avec 4 bateaux qui doivent reprendre possession de la colonie, installer un gouverneur, le gouverneur Schmalz, qui va se retrouver à bord de la Méduse. Et cette expédition de 4 bateaux est confiée au capitaine de frégate, le commandant Hugues Duroy de Chaumaret. Hugues Duroy de Chaumaret, qui fait partie de ces nombreux officiers qui avaient émigré au tout début de la Révolution, qui n'ont pas commandé pendant très longtemps, mais qui, par leur fidélité aux Bourbons, sont choisis pour exécuter un certain nombre de missions. La Méduse part avec 3 autres bateaux, l'Écho, l'Argus et la Loire, pour aller emmener tous les fonctionnaires de cette colonie, pour emmener les troupes coloniales. Donc il n'y a pas que des marins à bord. La Méduse elle-même, donc il y a 400 personnes à bord. Il y a une soixantaine de fonctionnaires de la colonie avec leurs familles. Il y a des femmes et des enfants à bord. C'est tout à fait inhabituel à bord d'un navire de guerre. Donc déjà, il y a une situation un peu étrange. Et tout ce petit monde se rassemble et le 17 juin 1816, l'expédition appareille de l'île d'Aix. Ce qui se passe en fait très vite, c'est que se reproduit à bord du navire ce qui se passe en France. C'est un moment où les Français sont extraordinairement divisés politiquement. Un moment de grande tension politique entre les royalistes ultra qui reviennent, qui sont d'une morgue effarante, qui veulent gommer complètement la Révolution, les monarchistes plus libérés, ceux qu'on appelle les constitutionnels, et puis il y a les bonapartistes, et puis il y a plein de tendances chez les bonapartistes, il y a même quelques républicains qui déjà commencent modestement, mais commencent à exister. Hugues Duroy de Chaumaret, c'est presque un archétype du royaliste ultra. Et il a, dans son état-major, des gens qui ne sont pas du tout de cet avis. Et en fait, il n'écoute pas son état-major. Et c'est un des drames qui va conduire au naufrage. Et tout ce petit monde cohabite sur une espèce de pétaudière. Donc, on n'est pas dans le climat de grande confiance où chacun vient servir l'intérêt collectif. L'expédition part malgré tout. Et assez rapidement, on s'aperçoit que les 4 navires n'ont pas du tout les mêmes qualités nautiques. La Méduse est un excellent navire. Et Chaumaret décide de disloquer le convoi, de pas les attendre. Sur le chemin qui conduit à Saint-Louis du Sénégal, il y a un endroit très dangereux que tous les marins connaissent, qui est un banc de sable au large de l'actuelle Mauritanie, qui s'appelle le banc d'Arguin. Et c'est là que va se poser le problème, c'est que Chaumaret pense avoir passé le banc d'Arguin alors qu'il va droit dessus. Et malgré les avertissements répétés des états-majors et même des passagers, ce qui est quand même un comble, quand enfin il donne l'ordre de sonder, il voit qu'il n'y a presque plus d'eau. Mais c'est trop tard. À droite, toutes ! Et la frégate va droit sur le banc de sable. Évidemment. Un bonheur n'arrive jamais seul, il s'échoue à pleine vitesse et à marée haute. Et le drame est là aussi, parce qu'il se serait échoué à marée basse. On pouvait espérer qu'avec la marée haute, le bateau aurait remonté, se serait sorti du fond et aurait pu repartir. Mais là, évidemment, il n'y a rien à faire que de tirer le bateau en essayant de l'alléger. Et pour l'alléger, il y a l'idée de construire un radeau qui a une seule vocation, de rester le long du bord, d'accueillir les caisses, les canons, tout ce qui représente du poids sur la Méduse, pour l'alléger. Ensuite de quoi, une fois qu'on aurait dégagé le bateau, on aurait remis tout ça à bord et on serait reparti. Et c'est pas ce qui va être fait. Pendant 3 jours sur ce banc de sable, on cherche à dégager le bateau, on finit par y arriver. Et pendant la nuit, un coup de vent repousse le bateau sur le banc de sable, mais par l'arrière, et donc casse le safran. Et là, la décision est prise d'évacuer. Donc on va mettre la drôme, hein, tous les petits bateaux, les canottes, etc., qui sont à bord, on va les mettre à l'eau, on va embarquer les gens sur ces canottes, et on va utiliser le radeau, qui, encore une fois, n'était fait que pour porter des caisses. Et on va l'utiliser pour évacuer 148 personnes. Donc c'est dans la nuit du 4 au 5 juillet que l'opération se déroule, dans une cohue terrible, parce que les hommes ne veulent pas descendre. Ils ont bien compris que c'était une embarcation extrêmement fragile. C'est une embarcation qui fait 20 mètres sur 7, donc 140 mètres carrés. Il n'y a pas de bastingage. Donc au fur et à mesure que les hommes montent sur le radeau, celui-ci s'enfonce dans la mer. Et on sait que la plupart ont de l'eau jusqu'aux cuisses, voire jusqu'à la taille. Ils sont extrêmement serrés. Ils sont descendus sur ce radeau pratiquement contraints et forcés par les officiers qui les menacent de leurs armes, qui vont d'ailleurs pour certains aussi embarquer. Ils sont une quinzaine, une vingtaine, qui vont encadrer cette troupe. Et on n'embarque quasiment pas de vivres. On a embarqué quelques barriques de vin, un peu d'eau. C'est à peu près tout ce que l'on a sur le radeau. L'idée de manœuvre est de faire se remorquer les bateaux les uns derrière les autres et qui vont tous ensemble tirer ce radeau. Le radeau fait 20 tonnes, il est... On dit radeau d'ailleurs, c'est impropre. Un radeau, étymologiquement, c'est une embarcation qui aura de l'eau. Lui, il est déjà sous l'eau. C'est impossible d'imaginer de remorquer un machin pareil. Et donc, à bout de quelques heures, la remorque est cassée. Enfin, elle est cassée, c'est du moins ce qu'on raconte à l'époque. La remorque, en fait, est probablement brisée délibérément. On casse la remorque et le radeau se retrouve tout seul, abandonné au milieu de l'océan pendant que les canots s'en vont loin. Philippe Mathieu, vous êtes vous-même marin et vous êtes l'ancien directeur de ce musée de la marine à Rochefort. Et vous avez entrepris il y a quelques années une enquête à propos du naufrage de la Méduse. Votre question était, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur ce radeau? Comment avez-vous monté cette enquête? J'avais le projet, en étant ici au musée de la marine à Rochefort, de construire ce radeau à l'échelle 1 pour pouvoir le mettre à l'eau et l'essayer pour comprendre comment cette embarcation pouvait réagir. Est-ce qu'on peut arpenter avec vous le radeau de la Méduse? Vous nous racontez un peu comment ont vécu les naufragés sur ce radeau? Assez rapidement, on a mis des tonneaux là au centre. Il y a ce mât qui est là, qui va servir lui à la fois à porter cette voile qui servira de repère. Et puis vous voyez vers l'avant, là, on a ces deux vergues qui sont croisées et qui devaient très probablement venir par un jeu de pivot s'appuyer sur le mât et accueillir une bâche qui permettait de faire comme une toile de tente, si je puis dire, hein, qui, à l'avant, pouvait permettre aux naufragés de s'abriter à la fois du soleil, mais également de la pluie, du vent, du froid. N'oublions pas qu'ils sont dans l'eau constamment. Et d'ailleurs, quand Géricault peint ces personnages, il leur met des chiffons aux pieds, parce qu'ils sont les pieds bouffés par l'eau de mer. Et l'état-major, entre guillemets, l'état-major, du moins les puissants du radeau, si je puis dire, étaient autour du mât, sur cette espèce de point haut, avec la troupe qui, elle, s'entassait à l'arrière et qui perdait l'équilibre. On perd l'équilibre, on tombe à l'eau, on meurt noyé. C'était l'enfer. Et d'ailleurs, les survivants ont surnommé le radeau la machine à broyer les vies. Alors une fois que le radeau se trouve seul en pleine mer, c'est une succession de scènes d'épouvante. Dès la première nuit, il y a des morts qui sont les jambes coincées entre les poutres qui composent ce radeau, qui sont noyés, qui tombent à l'eau, qui sont pris par des vagues. Les hommes vont s'entretuer. Il y a des rixes entre ce qu'on appelle les soldats et le groupe des officiers qui s'est placé au centre, près du mât, qui contrôle la distribution des rares vivres et surtout du vin et de l'eau. Et donc une véritable guerre civile sur le radeau qui va conduire à des pertes très importantes dès les premiers jours et qui va fournir aussi de quoi manger. Et tout ça se finit en combat au sabre. C'est la nuit, la mer est formée, il y a des vagues, ça bouge de partout, il y a de l'eau qui monte absolument dans tous les sens. Ils se battent à coups de sabre. C'est vraiment une scène inimaginable. 60 morts dans la nuit. 60 morts. Au bout de 48 heures, ces hommes qui n'ont rien à manger, qui sont sous un soleil brûlant, on est au mois de juillet au large de la Mauritanie, des problèmes sans doute de perte de conscience qui explique que certains se soient mis à manger les cadavres des hommes qui ont été tués pendant la nuit. Et c'est ainsi que commence ce phénomène de l'anthropophagie, du cannibalisme, qui va perdurer jusqu'à la fin de la dérive, puisque pendant une dizaine de jours, les survivants se nourriront de chair humaine. Et comment a-t-on su que les hommes sur le radeau de la Méduse avaient eu recours à l'anthropophagie ? Les rescapés ont témoigné d'abord dans un rapport officiel qui a été rédigé par l'officier de santé qui était sur le radeau, qui a survécu, qui est un des 15 survivants, il s'appelle Savigny. Donc sur le bateau qui le ramène en France, à la fin du mois d'août 1816, il rédige un rapport destiné au ministre de la Marine où il raconte ce qui s'est passé, le naufrage, le déplacement sur le radeau, et il explique que pour survivre, des hommes ont consommé de la chair humaine. Ce rapport était destiné à rester secret, mais pour des raisons diverses, il est divulgué. Savigny est sur le radeau, il joue un rôle important en donnant des conseils, par exemple, sur la manière de découper un corps humain. C'est un technicien, il va savoir découper des lamelles de chair humaine. C'est lui aussi qui va conseiller, par exemple, de faire sécher la viande pour lui donner un meilleur goût. Et c'est intéressant de voir que, dans son témoignage, il met en cause ces soldats qui mangent la chair directement après l'avoir prélevée sur les corps. On est là sur le balancement entre le cuit et le cru. Consommer de la viande crue, c'est quasiment s'identifier à un sauvage. À ses yeux, lui conseille de la faire sécher, c'est-à-dire de la cuire, en quelque sorte. Je m'appelle Clarisse Griffon-Dubélé et je suis une descendante d'un rescapé du radeau de la Méduse, Joseph Jean-Baptiste Griffon-Dubélé. Donc mon aïeul était embarqué sur la Méduse en tant que secrétaire du gouverneur Schmalz. Et il avait 28 ans. En fait, dans ma famille, on a un document d'archives qui jusqu'ici a été inédit, qui est une édition de la narration de Coréard et Savigny, de 1818, je crois, que mon ancêtre a noté en marge. Et il a rectifié beaucoup de vérités par rapport à la relation de Coréard et Savigny. Et comment se fait-il qu'il était resté inédit, ce document ? Alors, il est resté inédit. Je pense que beaucoup se sont posé la question. Mon grand-père s'est posé la question à l'époque, puisque voilà, il a hésité à le donner à des historiens. Et finalement, il a trouvé plus juste de garder le silence là-dessus. En fait, ce qui est très étrange dans cette histoire, pour moi, c'est je vais trouver les mots. En fait, ce qui est très étrange dans cette histoire, c'est que qu'il y ait 200 ans qui soient passés, j'ai l'impression que, par exemple, pour mon père, c'est comme si c'était rien. Ça serait arrivé à son propre père, ça serait la même chose. Et donc, c'est encore brûlant, c'est encore vif, extrêmement vif. Il y a ce côté un peu honteux d'avoir un ancêtre qui a dû choisir un camp et commettre des meurtres et des actes de cannibalisme et tout ça. Et c'est, dans ma famille, c'est encore d'une vivacité très importante. Thank you. y a eu des témoignages de rescapés, notamment le plus célèbre, c'est Savigny, et tous racontent qu'il y a eu aussi des combats à bord de ce radeau. Alors, oui, Savigny et Coréard, qui sont les deux célèbres qui ont écrit cette relation, je donne le beau rôle. Et ils sont entourés de ce résidu de fond de bagne, comme ils l'appellent, ces troupes militaires. En réalité, il y a un autre rescapé qui s'appelle Griffon du Bellay, qui est le secrétaire du gouverneur, qui se retrouve à bord du radeau, alors qu'il était prévu qu'il aille sur un calotte, le pauvre, pas de chance, et qui lui va écrire, en marge de l'édition de Coréard et Savigny, va écrire des choses, et notamment quand Coréard et Savigny disent les militaires se sont emparés de l'alcool, se sont enivrés, et ont voulu tuer tout le monde et couper les cordes qui relient les éléments du radeau parce que tout le monde était perdu. Griffon, lui, écrit en marche que, en fait, c'est Savigny et Coréard qui ont poussé les tonneaux d'alcool vers les militaires. Donc, ils les ont poussés à s'enivrer, sachant que eux avaient gardé les armes et avaient confisqué les armes des autres. Résultat, on les pousse à l'eau alors que, ils sont encore vivants. Mais simplement, ils sont pas en état de se défendre. Ça fait moins de bouche à nourrir et on a plus de chances de s'en sortir. Qu'est-ce que ces archives familiales apportaient de nouveau dans la connaissance des événements du radeau de la Méduse ? La version de Coréard et Savigny était un peu une version pour se dédouaner de faits. Mon aïeul a écrit ces annotations, on ne sait absolument pas pour qui ou pourquoi, mais du coup elles sont extrêmement sincères puisqu'elles n'étaient pas non plus destinées à être publiées. Et il explique que, contrairement à ce qui avait été écrit, qui avait eu sur le radeau des mutineries entre les gens et qui s'étaient entretués et tout ça, il explique que dès le départ, il y a un groupe de 25 à 30 personnes qui a décidé de vivre aux dépens des autres et qui a fait le choix de se débarrasser d'une partie des hommes pour alléger le radeau, pour avoir plus de vivres, pour survivre. Et après, voilà, il explique plus précisément quelle a été sa place là-dedans. Il explique à quel moment on lui a demandé de faire un choix en le menaçant de le jeter comme les autres. Donc il a dû dire, voilà, bon, d'accord, j'ai choisi mon camp et je commets aussi ces crimes. Et voilà. Donc il y avait vraiment ça a été sous-tendu par une volonté. Ça n'a pas été... évidemment, quand on lit l'histoire du radeau, c'est une pure folie. Les hommes sont dans un état pas possible, il y a une panique totale. Mais ça n'a pas été une mutinerie comme ça qui a surgi de nulle part, en fait. Il y a un groupe qui a eu vraiment la volonté de vivre aux dépens des autres. A-t-on le droit de se substituer à Dieu et d'abréger si peu que ce soit la vie d'un être humain ? Où donc est Dieu ? S'il est là, s'il m'entend, je lui parlerai volontiers. Nous débattrons, lui et moi, de quel droit nous agonisons sur ce radeau. Pourquoi cet enfant innocent est mort plutôt que monsieur de Chaumarès ou monsieur de Richefort ? Mais auparavant, je sauverai ma peau. Soyons lâches jusqu'au bout. Jetons ces moribonds inutiles à la mer. C'est affreux. Sur les champs de bataille, on achève les mourants. Alors je suis pour. Que ceux qui acceptent la proposition de monsieur de Savigny lèvent le bras droit. Il ne vous reste plus, si vous en avez le courage, qu'à accomplir ce dessein abominable. Et ils ont mangé la surhumaine au bout de 3 jours. On meurt de soif au bout de 3 jours, on meurt de faim au bout de 3 semaines. Pourtant, au bout de 3 jours, les naufragés se sont résolus à manger de la chair humaine. C'est cet acte de cannibalisme, c'est la source en fait du scandale et qui va éclabousser toute la Marne, mais tout le gouvernement. On parle de troisième jour, il y a des gens qui se sont jetés sur les cadavres pour les manger dans l'instant, alors qu'en fait, il explique que ça a été aussi un espèce de cérémonial très codifié en fait. Savigny, voilà, il était chirurgien, il devait avoir le matériel, ça, il a coupé les tranches, il a préparé tout le monde en disant voilà, si on veut survivre, il va falloir se nourrir de ça. Mais c'était pas sur un instinct d'un sauvage, c'était tout était quand même très conscient. Savigny écrira que ce sont bien sûr les soldats noirs qui ont commencé à manger de la viande. Les soldats noirs sont des Antillais, ce sont pas des cannibales. Sont des Antillais qui étaient dans les troupes napoléoniennes. Donc toujours, il y a ce jeu, de ce décalage entre ce qu'écrivent Savigny et Coréard, qui sont encore dans un beau rôle, en fait, des défenseurs de la civilisation face à toute cette horreur, quoi. Vous êtes celle par qui le silence a été rompu. C'est encore un épisode douloureux et c'est encore un épisode absolument non dit en fait. Moi j'ai eu cette voix-là par ma mère, mais par exemple par mon père, je l'ai eu que à partir du moment où j'ai commencé à travailler dessus avec ma sculpture. Et où là, on a libéré toute une parole et tout un travail justement sur l'édition de ces annotations. Mais ça a été très long, très compliqué, très douloureux. J'ai fait une grande sculpture du radeau. Et à partir du moment où elle a existé, on a été obligé de mettre des mots déjà dessus. Et puis elle a commencé à être montrée. Et j'ai commencé à travailler sur le radeau de la Méduse à 28 ans, ce qui était l'âge de mon aïeul quand il était dessus. Et dans votre sculpture, vous avez représenté le radeau de la Méduse, vous l'avez recréé en sculpture sur bois, et aussi vous avez ajouté des œuvres... Il y a les hommes viande et les peaux. Donc, qui sont des sculptures qui parlent vraiment du cannibalisme. Il s'est passé surtout quelque chose pour les peaux, où j'ai travaillé à partir d'un passage de Savigny, justement, où il explique qu'il mettait les lambeaux de chair humaine sur les cordages à sécher au soleil pour rendre le goût plus supportable. C'était ma manière de parler du cannibalisme, parce que j'avais vraiment envie d'aborder cette thématique de plein fouet. Pour moi, c'est une question très importante, c'est que mon ancêtre a survécu et il a fait des enfants après ça. C'était le dernier griffon du Bélé et il a eu 7 enfants. Et en fait, on descend tous de lui et on descend tous du fait qu'il ait survécu et on doit à ces actes-là, on doit notre vie à ces actes-là. Nous, on s'est transmis l'espèce de souffrance autour de ça. Je pense dans le corps, quoi, une espèce de transmission non dite. Je suis nourrie de ça, enfin... C'est pour ça aussi que c'est si proche. On sent dans les différents témoignages qui nous sont parvenus qu'il n'y a aucune solidarité qui s'installe entre... Il ne peut pas y en avoir. Chacun se dit que sa survie dépend de la mort de l'autre. Et c'est ce qui fait que la dérive qui dure 13 jours va avoir 90% de morts. Et s'il y a ce taux de mortalité effarant, c'est parce que la situation est ce qu'elle est, mais c'est aussi parce que les hommes ne cèdent pas. Et ces 15 rescapés qui sont dans un état absolument épouvantable sont sauvés, miraculeusement. Et dans les jours qui suivent, en fait, 5 d'entre eux vont mourir. Donc il y a 10 rescapés. Probablement que, 48 heures après, ils étaient tous morts. Ce qui est très surprenant, rétrospectivement, c'est que cette expédition de la Méduse, qui est une expédition coloniale, on y voit les colons devenir cannibales, ce qui, dans l'imaginaire de la colonisation, est assez troublant, effectivement. Avec Philippe Mathieu, Denis Roland, Jacques-Olivier Boudon et Clarisse Griffon du Bélay. Merci à Olivier Manoni. Recherche INA, Aude Vassan. Prise de son, Fabien Gosset, Adèle Caglar. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. C'était La Méduse, le naufrage du siècle. Premier épisode qui n'avait jamais navigué. Un documentaire d'Élise Gruot réalisé par Véronique Samouilov. La suite de l'histoire du radeau de la Méduse, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, à 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.